À l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, les syndicalistes et syndiqués ont effectué du 4 au 12 février le pèlerinage aux anciens théâtres de combat révolutionnaires du secteur du Mont Paektu. Les pèlerins ont fleuri les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées à la ville de Haesan, à l'arrondissement de Samjeon, à l'ancien théâtre de combat révolutionnaire de Pochonbon, au campement de Chongbon, devant les monuments à la bataille de Pochonbon et à la bataille du district de Musan, le grand monument de Samjeon et la fresque en mosaïque représentant les trois généraux du Mont Paektu, avant de rendre hommage et de faire le tour de l'ancien théâtre de combat révolutionnaire de Pochonbon et du campement de Chongbon. À la maison natale, à l'ancien camp secret du Mont Paektu, ils ont tenu un meeting pour jurer d'honorer à jamais le général Kim Jong-il comme leader éternel de notre parti et de notre peuple, et de soutenir fidèlement la direction de la révolution de Sun-gun du dirigeant suprême Kim Jong-un. Les pèlerins ont visité le grand monument de Samjeon, les groupes sculpturaux, les objets d'intérêt historique au bord du lac Samji, les centrales des jeunes héros de Paektusan, l'ancien théâtre de combat révolutionnaire de Sinsadong, le monument à la bataille du district de Musan et l'arrondissement de Samjeon. Pendant la marche, ils ont livré des activités politico-culturelles.